Non mais Groot, tu Groot. veux? Ouais, je veux bien Groot. Elle dit quoi? Are you Groot? I am Groot, non? Non, non. Si, il dit Ça s'est un Are peu you mâché, Groot? il a bu 2-3 litres. Hein. Ouais. Ouais. Et c'est quoi, vas-y C'est quoi, vas-y quoi? Le Thor. On dirait qu'il est en train de faire. Il est forgeron, quoi. Ah, ça, je sais ce que c'est. Ah, ça, je sais ce que c'est. C'est Pauline le lendemain de cuite. Vas-y, refais. C'est exactement ça. Mais oui, bien sûr, franchement. Maintenant, ah, vous avez découvert mon secret. Bah ouais. Bienvenue pour ce nouvel épisode de Marvelicious, accompagné de deux personnes remarquables. On va commencer. Ah, je suis désolé, Olivier. Je commence par Olivier et j'ai pas mis la musique. J'ai oublié de mettre la musique. Donc, tu l'avais promis. C'est vrai, je te l'avais promise. Je vais essayer de la mettre tout à l'heure. Je suis complètement zappé. Oui, en plus, ta musique d'entrée. C'est ta musique d'entrée. Ah, c'est... Je sais même pas si tu l'as encore sauvegardée. Bon, comment vas-tu, Olivier? Bah, très bien. Très bien. La forme? La faux forme. La faux forme, comme d'habitude. Ouais. Et toi, la forme? Oui, fatigué, mais ça va. Et je pars bientôt à l'île de Malte, donc ça peut que aller. Oh, bah oui, voilà. Ça va. Oui, ça va être bien. Voilà. Et on est avec. Alors, Olivier, je savais pas. Je sais pas si tu le sais. En fait, je vais dévoiler un secret. C'est Pauline, et il y a un secret. Tu sais qu'elle vient d'Alsace? Non, je savais pas. Bah, je te dis, et j'ai découvert qu'elle était Miss Choucroute 2019. 2019? 2019, c'est avant le Covid. Ouais. C'est ça, très précis, Pauline. Comme année. C'est vrai ça, Pauline? Exact. Exactement, mais oui, bien sûr, c'est vraiment le type de concours que nous avons chez nous. C'est génial. Mais non, c'est pas, elle n'est pas mise choucroute, ça aurait pu mise choucroute. Aimes-tu la choucroute? Qui, moi? Oui, j'adore ça. Ouais. Oui? Et toi, Pauline? Bah, vaut mieux, c'est la mise choucroute. J'ai pas trop le choix. T'as pas trop le choix. Après, et, j'ai envie de dire, entre Miss Choucroute 2019 et Laurent qui doit être Miss Cassoulet, Mister Cassoulet, c'est bon, c'est pas... Toulouse, c'est le Cassoulet, je crois, non? Oui, c'est le Cassoulet. Ouais. Ouais, voilà, donc entre la choucroute et le cassoulet. Voilà. Moi je dis ça, c'est la torgoule chez nous. Donc, ou camembert. Voilà. Donc, voilà. Et toi, Olivier, c'est quoi chez toi? Par chez moi, il n'y a rien de. En région parisienne, il n'y a pas. La baguette. Non, spécialité. La baguette. La baguette. Ouais, la baguette. La baguette et la bouteille. Voilà. Voilà. C'est vraiment le cliché. La bouteille, c'est toutes les régions. J'avoue. Toutes les régions de France. Surtout en Alsace, un petit Gebus Traminer. C'est ça? Ouais. Tu me trompes pas. En Normandie, c'est pas mal non plus. Hein. Oui, c'est Calvados. C'est Calvados. Et le poiré aussi. On a du poiré. Voilà. Donc, voilà. Bref. Voilà. C'était un podcast Marvelicious. Voilà. Délicieux. Voilà. On le thématise sur la bouffe. Voilà. Non, je déconne. On va parler de Loki. Vous êtes là? Nous avons un petit problème pour lequel nous avons besoin de vous. Mobius? Waouh! Je suis content de vous revoir. Voilà. Voilà ce qui se passe constamment. Waouh! Errance temporelle. Quoi, vous... Vous connaissiez ça? Oui. Vous avez déjà vu ça? Oui. Vous pouvez arranger ça? Non. L'errance temporelle n'existe pas dans le TVA. Je sais, et pourtant c'est bien ce qu'on vient de voir. Oui. On m'a baladé dans le flux temporel. Promené entre le passé et le présent. Qui est là? Et si ce que j'ai vu est vrai? Alors plus rien ne protège ce monde de la destruction totale. Il n'y a qu'un moyen de le savoir. Et on se la joue à l'ancienne, comme dans le temps. Nous n'avons pas le même style, vous êtes un homme d'action, ce que je respecte. J'ai une approche plus lente, délibérée et cérébrale que vous. C'est vraiment excellent. C'est à nous de sauver le TVA. Est-ce qu'il est fissuré? C'est bon. Quoi qu'on fasse, on se prend pour des dieux. On est des dieux. Mais comment choisit-on qui vit et qui meurt? Faites le choix le plus douloureux. C'est cet homme. Vous feriez mieux de fuir. La guerre est en chemin. Vous y arriverez, vous êtes le dieu de la malice. Je le serai à jamais. On ne se refait pas. Je crois que vous en faites un peu trop. Je trouvais ça approprié. On va parler de Loki parce que c'est le grand retour du dieu Loki. Alors Loki, on avait déjà parlé sur un podcast auparavant, je ne sais plus lequel, on avait parlé de Thor. Vous n'étiez pas encore arrivé. Cipolline était là, Olivier n'était pas encore arrivé. On avait parlé de la saison 1 qui avait plutôt bien marché. La saison 1 de Loki. D'ailleurs, Olivier, tu l'as vu la saison 1 ou pas? Oui, oui. Tu t'en souviens ou pas, ou à peu près? Bah, pas trop parce que, à part le premier épisode, je n'avais pas accroché du tout par la suite. D'accord. Et j'ai tout regardé, mais j'ai eu des absences par moments. J'avais du mal à accrocher sur certains épisodes. Je me suis pas mal ennuyé à la saison 1, en fait. Oui, il y avait des épisodes avec des longueurs quand même, ça c'est vrai. Et donc, du coup, il y a des choses sur la saison 2 où je suis un petit peu perdu parce que j'ai pas tout compris de la première, en fait. Mais j'aime beaucoup jusqu'à présent la deuxième saison. D'accord. Pauline, tu te souviens de la saison 1 ou pas? Ouais. À peu près, ouais. Mais j'ai l'impression que je ne sais plus quand elle est sortie, la saison 1. C'était alors, je crois, Pauline, juste, je crois que tu as mis ton micro de PC et pas ton micro de... Si, il est allumé. T'es sûr? Est-ce que là, la qualité, elle est moins bien que la dernière fois? Alors, attends, je va vais va dans tes paramètres, en direct. Pauline, après Martine, adapte son micro. Maintenant, c'est Pauline. Ouais, c'est ça. Et là? Ah ouais. Ah ouais. Et là, c'est bon. Tu peux faire de l'ASMR. Vas-y, fais de l'ASMR pour voir. C'était ceux de mes écouteurs qui s'étaient branchés. C'est ça, voilà, du coup, voilà, c'est nickel. C'est beaucoup mieux, c'est nickel. Là, excuse. C'est oh non, grave. Du coup, le début, c'est... Oh non, mais... Non, le début, ça va. Ça va, ouais, t'inquiète pas. En plus, moi, je vois, mais elle a son t-shirt Avengers. Waouh. Moi, j'ai Gardien de la Galaxie. Voilà. Et Olivier, là, il a quoi? Il a, Star Wars. Il a non, les Black, les All Black et le Stade français. Black, le Stade français. On a perdu. On reste dans le bourrin. Je suis déçu. Oui, je crois. Et puis c'est à un point près. Voilà. Bref. Donc du coup, tu avais bien aimé là, toi, la saison 1? Ouais. En fait, elle était vachement bien, mais je trouve que quand même vachement complexe. Donc c'est pour ça qu'il y a avec certaines TVA personnes, tout, je pense, qui n'ont pas, peut-être accroché tout de suite. Mais moi, oui, j'avais bien aimé. Et surtout qu'il y a des longueurs aussi hein, dans cette saison 1. Moi, je me souvenais que des fois, je me faisais un peu chier certains épisodes, d'ailleurs, qui ne servaient à rien, d'ailleurs. Voilà, donc, voilà. Alors, du coup, vous avez le podcast, d'ailleurs, j'ai fait deux ou trois, on a fait, je crois, deux ou trois enregistrements, dont avec Pauline, je crois, et avec Benji à l'époque aussi. Voilà. Et là, on est sur la saison 2. Alors, la dernière fois qu'on avait vu Loki entre la saison 1 et la saison 2, vous vous souvenez, c'était quand, Absolument pas. C'était dans la scène post-générique de Quantum Mania, Ant-Man 3. Ah oui, pardon. Je ne me rappelle plus de cette scène. Pourtant, j'ai vu il y a c'est pas si longtemps. C'est la post-générique. Bah, mais je me rappelle plus d'avoir vu Loki. Bah, on les voit, ils sont habillés en costume avec le chapeau. Enfin, ils sont bien habillés. C'est ça, avec un vieux chapeau. Et puis, t'as Kang le conquérant, enfin, une version ah, de Kang. Exact, ah, exact, oui, ça me revient. En train de leur parler. Oui. Voilà. Mm-hmm. Et en fait, moi, j'étais persuadé que cette saison 2 allait reprendre à partir de ce moment-là. Et c'est avec, avec un peu des flashbacks, tu vois, pour comprendre comment. Et en fait, pas du tout. En fait, la saison 2, c'est la suite directe, mais vraiment directe. Tu peux de la regarder vraiment dans la foulée, quoi. Ouais, c'est vraiment, voilà. Mm. Donc, c'est plutôt pas mal, parce qu'on peut regarder pour ceux qui n'ont pas sur un... En tout cas, si vous n'avez pas vu la saison 1, regardez pas la saison 2. Regardez d'abord la saison 1. Sinon, vous n'allez rien comprendre, surtout l'histoire de la TVA. Taxe sur la valeur ajoutée. Oui, c'est ça. Enfin, c'est le TVA, ce que je dis, c'est la TVA, mais c'est le TVA, parce que c'est le tribunal. Donc, voilà. Donc, c'est le TVA. Donc, du coup, on a... Exactement, je ne sais pas si vous avez trouvé, mais la même ambiance que dans la première saison. Même couleur. Même... Oui, oui, moi, j'aime beaucoup en plus le côté un peu granuleux de l'image, tu vois. C'est... Côté old school aussi, tu sais, le petit côté old school. Oui, oui, moi, ça j'avais trouvé que c'était très réussi même dans la saison 1. Donc l'ambiance, c'est vraiment, il y a un côté inquiétant, un côté vintage, un côté, c'est vraiment bien fait, je trouve. Et toi, Pauline, tu penses la même chose ou pas? Ouais, je suis d'accord. On a l'impression d'être vraiment dans un autre univers. Oui, c'est ça. C'est exactement ça. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, à saison 1, ça s'est clos hein, où Mobius ne reconnaît pas du tout, Loki. D'ailleurs, c'est comme ça que se clôturait la saison 1. Mmh. Et il ne reconnaissait pas du tout Loki. Et le grand mystère entre... on se demandait tous pourquoi il ne reconnaissait pas Loki. On était tous persuadés que quand Sylvie a tué... la version de Kang qui est appelé celui qui demeure à mon souvenir c'est ça on croyait tous qu'en fait elle avait relancé une nouvelle variation enfin un nouvel univers ou voilà un nouveau futur bref et en fait on découvre d'entrée qu'en fait Mobius le reconnaît pas parce que Loki est dans le passé. Alors est-ce que vous étiez surpris de cet événement là quand on l'avait su? Surpris, c'est un grand mot, mais j'ai trouvé ça, comment dire, pas mal parce que du coup, tu as un petit aperçu de ce que tu peux avoir, que ce que tu auras un peu plus tard. Parce qu'on parlait pas du passé et du futur avant. Et du coup, là, ça nous a laissé voir, on a l'impression qu'il va voyager entre différents temps, quoi. Et toi, Olivier, est-ce que quand tu avais vu le dernier épisode de Loki, si tu t'en souviens Effectivement, Mobius ne le reconnaissait pas. Tu pensais vraiment ça que c'était en fait, c'était... Ouais. Non, pas du tout. Quand j'avais vu le cliffhanger, on peut appeler ça, de la fin de la saison 1, je me dis bon, il ne le reconnaît pas et bon, j'ai pas vraiment cherché ce qui lui était arrivé en fait. J'ai pas trouvé le suspense. Ça me donnait pas vraiment particulièrement envie de voir la suite, je trouve. Ouais. Je ne me suis pas posé de questions. Dans la saison 1, j'ai vraiment pas accroché. Hein, à part je te dis le premier épisode que j'avais trouvé super, qui était rythmé. Et c'est pour ça que j'ai eu peur quand j'ai vu la saison 2. Je me suis dit, le premier épisode est génial. J'espère que ça ne va pas faire comme la première. Mais le deuxième est toujours aussi bien. Donc, bon, bah, tant mieux si tu as commencé à apprécier. Moi, je les ai trouvés bien aussi, dans la même ambiance, etc. Donc on découvre en fait, au final que Loki... fait des sauts incontrôlés dans le temps, dans le TVA, entre c'est le passé. C'est bien fait, d'ailleurs. Ouais. Ouais, c'est bizarre. D'ailleurs, quand il disparaît, c'est dégueulasse. Je crois que Mobius lui dit « Ah, c'est dégueulasse quand tu disparais. » Ouais, on est entre le passé, le présent et le futur. Et je voudrais parler d'un personnage, moi, que j'ai adoré d'entrée. Je crois que j'ai une idée. 2001 ? Vas-y. Vas-y, Dio. Vas-y. Ouais, 2001. 2001, dans Indiana Jones, bien sûr. Pauline n'a peut-être pas les rêves, Olivier, est-ce qu'elle est plus jeune que nous? 2001, c'est le petit garçon qui est dans Indiana Jones. Garçon. Ah oui, dans Indiana Jones, il est dedans, c'est lui. Il est dedans. Oui, c'est Obi. Oui. C'est Obi. Ouais. Alors, comment vous avez. Alors, Olivier, Obi, t'as bien aimé ou pas? Oui. C'est un personnage qui a beaucoup de charisme, oui, effectivement. Et beaucoup d'humour. Et toi, Pauline, t'as bien aimé, Pauline? Ouais, pour l'instant, je le trouve génial. Je trouve que ça apporte la fraîcheur à la série et un nouveau côté, quoi. Je trouve ça vraiment top. Et ça, limite, je vais pas dire ça un peu trop vite, mais un petit trio comme ça avec Loki et Mobius, je trouve ça, ils sont trop chouettes ensemble, je trouve, les trois. Ouais, franchement. Je rebondis sur ce que t'as dit, mouvement de fraîcheur. Je trouve que moi, c'est ce qui m'a fait aimer les épisodes. C'est ce côté foufou de Hobby, un peu reclus, tu sais, un peu geek, dans son coin, etc. Et je sais pas comment vous avez apprécié, mais la scène où il reconnaît Mobius, et Mobius, je sais pas qui t'es. Après, t'as Loki qui disparaît et ils comprennent pas et tout. Moi, j'ai bien aimé quand il y a la connexion, tu sais, entre le passé et le présent avec Hobby. C'est la scène où Loki voyage entre les deux. J'ai trouvé ça excellent. Ouais, oui, il dit, mais tu peux me construire ce truc-là et tout. Et puis il fait, mais je me rappelle de Loki, je l'ai vu il y a longtemps. Je trouvais ça pas mal aussi. Enfin, je trouvais ça super bien fait. En tout cas, comme tu dis, Hobby, super drôle. Alors, je sais plus c'est quoi son vrai nom. D'ailleurs, je crois que le nom d'acteur pas forcément, mais depuis un premier épisode, c'était... Ouroboros. Ouroboros, ouais, c'est ça. Ouais. Voilà, et en fait, j'ai regardé, c'était le nom du premier épisode, Ouroboros. Là, j'ai pas fait attention au nom, en fait. Et en fait, on voit qu'en fait, que lui, il connaît tout du TVA et que c'est lui qui a fait le manuel du TVA. Oui, oui, c'est le créateur, un peu, oui. Ouais, c'est ça, en fait, il maintient la machine. Enfin, je sais pas s'il l'a créé ou s'il veille à son maintien. En fait, j'ai l'impression qu'il connaît Kang déjà. Je sais pas, vous. Ben, je pense que c'est un personnage hyper important et qui connaît tout il connaît tout, y compris ce qui va se passer dans le futur. Et d'ailleurs, pour revenir sur le personnage, ce que je trouve très drôle, c'est à un moment donné, il est toujours de bonne humeur. À un moment donné, il sait qu'ils vont tous mourir et puis il voit quelqu'un dire « Ah, bonjour, comment ça va ?» Enfin, je trouve ça très drôle. Et surtout, quand il parle de... Alors, je sais plus c'est quel autre personnage qui rencontre Loki et qui connaît aussi le manuel par cœur du TVA. Et on dirait un secrétaire comme ça, il est excellent. Oui, c'est ça. On dirait un secrétaire de préfecture en plus, tu sais. Non, mais je trouve que les acteurs sont vraiment bien dirigés, même Tom Hiddleston. Oui, bah lui, il est génial, mais je trouve qu'il joue un Loki... Différent, voilà, c'est ce que j'allais dire. Différent et comment dire, attachant, vraiment, je trouve. Pas forcément, parce que tu vois qu'il peut facilement revenir dans ce... Tu vois qu'il veut faire le bien quand même et qu'il est ému de ce qui se passe quand même. Oui, mais je pense que dans les films, les Thor, les Avengers, on s'attachait à Loki pour son côté vilain et son côté un peu comique. Et je trouve que là, on s'attache d'une autre manière au personnage parce qu'il est plus, on va dire, compréhensif, il est plus à l'écoute et autres. Enfin, voilà, je veux dire, il reste ce qu'il est. On le connaît quand même en plus, finalement, maintenant. C'est ça. On a appris à le connaître. Surtout, alors là, je voulais en parler, c'est... Le duo avec Mobius, avec Owen Wilson. Je trouve que le duo Owen Wilson-Tommy Dolston, ça marche à merveille. L'acteur est exceptionnel. Donc... Déjà, oui. Et je trouve que le duo Mobius et Hiddleston, quand tu les vois, ça fait du bien de les retrouver. Je ne sais pas vous, mais moi, les revoir ensemble, tu dis « Ah, ça fait du bien de les retrouver ». Alors, peut-être pas Olivier, parce que tu as moins aimé la saison 1, mais en tout cas, les retrouver... J'aimais bien ces personnages, quand même. D'accord, c'est bien un jeu d'acteur, peut-être. Oui. D'accord, c'est plutôt le scénario ou un quand, il, quand qui... il était à l'écran, j'aimais bien. C'était plus les épisodes avec Sylvie que j'aimais pas, en fait. Ah, ouais, justement, on va en parler parce que moi, Sylvie, je trouve un peu inutile pour le moment. Bref. Mais en tout cas, on a toujours un duo, Owen Wilson et puis Tommy Dolston, qui a l'air de bien fonctionner au final. Et c'est difficile, je trouve, de voir Owen Wilson sans Tommy Dolston et inversement. Est-ce qu'ils sont tout le temps ensemble dans l'épisode, que ce soit rencontrer Hobby, et surtout que là on a un truc qui est pas mal, c'est que par rapport à la saison 1, on voit bien que Mobius et Loki c'est son pote, il va le sauver. Enfin, je sais pas si vous vous souvenez de la scène où il sort. Je pense pas que le Mobius de la saison 1 l'aurait fait. Enfin, je sais pas vous. Ouais, on a l'impression qu'ils ont un lien beaucoup. Oui, c'est vrai. Ils ont renforcé un lien tous les deux, ouais. Et t'as l'impression qu'ils peuvent plus se passer l'un de l'autre dans leurs aventures, en fait. Ils comptent l'un sur l'autre et ils sont vraiment, c'est vraiment un duo, quoi. Bah, ils savent comment l'autre va réagir. Ils se connaissent bien, oui. C'est ça. Je sais plus, c'est dans l'épisode 2 où il y a l'interrogatoire. Oui, on en parlera tout à l'heure dans l'interrogatoire. C'est génial. C'était trop drôle. Par contre, il y a des personnages qui ont disparu aussi pour l'instant, mais je pense que c'est l'histoire qui fait ça. Si vous vous souvenez, dans la saison 1, il y avait Miss Minute qu'on voyait tout le temps. À chaque épisode, à chaque fois, elle arrivait, elle expliquait ce qu'était le TVA, qu'est-ce que tu redouvrais, machin, les personnages. Et là, elle a, depuis la mort de la version de Kang, plus de son, plus d'image. On ne l'a plus. Je sais pas. Ça fait des économies d'effets spéciaux. Tu crois que c'est vraiment ça? Mais d'ailleurs. En parlant de ça, je ne sais pas si dans la version française c'était pareil, mais j'ai l'impression qu'ils ont fait une blague. Je ne sais pas si c'est fait exprès sur l'intelligence artificielle. Je ne sais pas si vous avez remarqué, ou je ne sais pas si c'est moi qui ai capté, mais je me suis dit, oh mince, j'ai l'impression qu'ils ont fait passer un message. Il faudrait que je retrouve la scène et que je vous l'envoie et vous me direz ce que vous en pensez, mais ça m'a fait penser. Qu'est-ce qu'il dit ? Il se moque de Miss Minute ? Non, un truc par rapport à l'intelligence artificielle, ou je sais pas. Oui, ça évitera que l'IA le fasse, ou je sais plus. Mais j'ai tilté, il faudrait que je retrouve. Ah, Laurent a dû l'écouter, ce truc-là, parce que Laurent, vu qu'il est anti-IA, il a fait « Ah !» Genre, il grogne. L'IA, machin, les machines Il fait ça. Donc, il y a Miss Minute qui a disparu. Et il y a le juge, alors vous vous souvenez peut-être pas, mais si je pense que vous souvenez, le juge Renslayer qui avait bon contact avec celui qui demeure. Qui a aussi disparu. Aussi, donc. Alors, je pense qu'on n'est plus dans le même univers. Bah, justement, je me suis dit, honnêtement, j'arrive pas à savoir à quoi, pour l'instant, l'histoire va aboutir pour des raisons. C'est que je ne sais pas s'il la cherche. Et s'il la cherche, pourquoi, j'arrive pas à comprendre. Et c'est pareil, tu en parlais tout à l'heure, Olivier, de Sylvie. J'arrive pas à comprendre pourquoi il la cherche. Enfin. J'ai parce pas compris. Alors, je me suis dit, bon, c'est un truc que j'ai zappé là, sur la saison 1, mais j'ai pas trop compris non plus pourquoi. Je pense que c'est par rapport à la fin de la saison 1, parce qu'en fait, elle a provoqué l'ouverture de différentes branches les brèches où lui allait apparaître. Mais moi, je pensais qu'ils allaient la chercher pour. Je sais pas comment expliquer, mais. Vu qu'elle a causé tout ça, en gros, elle est censée réparer un peu ses dégâts, quoi. Et finalement, j'ai pas trop l'impression. La seule raison qu'il donne, c'est que lui, il la voit. Enfin, en tout cas, dans le deuxième épisode, il dit « Ouais, je t'ai vu dans le futur. J'aimerais savoir pourquoi t'es là. » Mais j'arrive pas à comprendre, que ce soit le juge Renslayer ou Sylvie, j'arrive pas à comprendre pourquoi il faut tout les récupérer. Parce qu'en fait, ils veulent les avoir. Et je sais pas pourquoi. Mais je pense que Renslayer, c'est parce qu'elle est de mèche avec Kang. Avis, je pense que c'est l'une des seules personnes qui a peut-être la solution pour stopper, pour en fait. Les branches qui partent de partout. Je pense, peut-être. Ouais, c'est possible, oui. Ouais, bon. Oui, c'est peut-être ça même, c'est peut-être sûr que c'est ça. Mais en tout cas, je trouve que ça ne transparaît pas forcément. Parce que, tu vois, on est obligé de réfléchir à savoir pourquoi ils veulent absolument la retrouver. Et bon, peut-être que c'est pour ça. Bon. Du coup, le TVA, on découvre le TVA. Donc, on découvre que le TVA est le qui traverse le temps. Donc, on voit la salle de conseil. Je ne sais pas si vous avez vu qu'il a un design différent suivant les époques où il va. C'est là d'ailleurs on découvre que Renslayer et puis Kang étaient de mèche, entre guillemets, de connivence. Mais je crois. Mika en avait parlé, je crois que Kang est dans les comics, je crois que Mika en avait parlé, à prendre avec des pincettes, je crois que dans les comics, Kang et Renslayer sont ensemble. Ah, donc, je crois que Mika en avait parlé de ça. Bref, pour dire, c'est qu'on a un conseil, je sais pas si on va dire de guerre, on va dire ça, un conseil de guerre, pareil que Renslayer ou Sylvie, je comprends pas forcément leur volonté dans le TVA. Parce qu'on a l'impression qu'ils cherchent un chef. Je sais pas vous. C'est qu'on a le général Dogs, qui est la femme militaire hyper sévère, machin. On a une sorte, je crois que c'est une juge ou une magistrate, je sais plus, qui est un peu plus posée aussi, qui est là. Et on a Mobius et puis... alors, je sais plus comment s'appelle la fille qui est avec lui. X5, c'est le gars. Après, peut-être... B15 ouais, c'est un truc comme ça, ouais. B15. Je sais pas vous, mais... Alors, à mon avis, si on comprend pas tout, c'est peut-être fait un peu exprès, je pense. Ouais, on va découvrir des trucs et on va avoir des surprises. Vu qu'on voyage entre le présent, le passé et le futur. Bah, là, que pour le premier épisode, au final. Parce que l'épisode 2, tu voyages plus entre le présent. Non, mais le fait, ce qui se passe... oui, c'est B15, c'est bien ça. Ce qui se passe à la fin de l'épisode 2, on doute bien qu'il va y avoir des conséquences. Et ça va changer des trucs, enfin, je pense. Ouais. En tout cas, on reste sur cette idée où sur sorte de conseil essaye de gérer l'urgence d'une situation où les brèches partent dans tous les sens et que chacun a une position bien définie. Donc on a General Dogs, elle, qui veut tuer des milliards de personnes. D'ailleurs, je crois qu'elle le fait d'ailleurs en pétant des brèches. T'as des Mobius et puis des Loki qui essayent de trouver l'origine de toutes ces brèches et essayer de trouver une solution pour ne pas tuer des milliards de personnes. En tous les cas, je trouve que ce conseil-là, j'arrive pas à voir personnellement son importance. Je viens de regarder. Au final, Mobius, il fait ce qu'il veut. Ouais. Ouais, vas-y. Non, je viens de regarder la distribution de la saison 2, j'aurais pas dû. Oh non! Ah bon, pourquoi? Erreur! Il y a des acteurs surprenants. Spoil! Bon, après, t'es sûr? Des acteurs surprenants? Bah attends. Dis rien. Je pensais qu'il était mort, hein, Iron Man. Non, je plaisante. Oh non! Ah oui, putain, il y a marqué. Il y a marqué Tony Stark. Non, mais je sais pas si t'as vu. Mais bon. Non, j'ai pas vu. Parce qu'en fait, du coup, tu t'es fait spoiler là, donc du coup, j'ai pas vu. Non, mais c'est pas très grave, mais il y a deux personnages. Oh, trois. Bon, faut que j'arrête. C'est un gros fake. C'est un gros non, fake. Non, non, non. Il y a deux personnages. Sur quelle page acteurs... Sur Wiki. Attends, sur Wiki. Je t'ai envoyé le lien. Allez, envoie-moi le lien, je vais regarder. En parlant. Ah non. Avec Pauline. Non. Regarde pas, Pauline. Non. Regarde pas, c'est pas grave. Non, je regarde. Ah non, regarde pas. J'ai besoin d'être surprise. Ah oui, bah voilà. Pauline aime les surprises. Voilà. C'est comme quand elle a été Miss Choucroute 2019, c'était une surprise pour elle. C'était incroyable. Je m'y attendais. Ah non, je m'y attendais tellement pas. Bon, en fait, on a un conseil. On divague là quand même. Donc, on a une situation où on ne sait pas trop à quoi il sert le conseil, mais j'ai plus l'impression qu'en fait, ce conseil-là est là pour essayer de trouver des accords pour diriger le TVA le temps de trouver une solution. En gros, le temps de trouver un chef, je pense. Voilà. Par rapport aux effets de la saison 1. Quelques éléments, moi, m'ont interloqué. Alors, je ne sais pas vous, vous m'en direz plus, mais moi, ce qui m'avait interloqué, c'était comment... merci pour le lien, mon petit Olivier. Moi, un truc qui m'avait interloqué, c'était comment... Le coup de téléphone, quand Mobius devait le sauver, si vous vous souvenez, avant qu'il soit... Ah oui, Revenu au présent. Ouais. Ouais, premier épisode. J'ai été très surpris parce que il y a un coup de téléphone, il le regarde. Et ah oui, effectivement, j'aurais pas dû. T'as vu, il y en a deux. Un vers le bas aussi. Oui. Ouais. Bon, bah ouais. Ah, par contre, le mieux, c'est en bas à gauche. En bas à gauche. Dernière ligne, avant-dernière ligne à gauche. Deuxième. Après oui, B15. Et le troisième aussi, c'est étonnant. Ouais, après B15. Celui qui est à côté aussi. Oui, j'ai aussi. Bon, j'espère que c'est. Ouais. C'est sur la même ligne, en fait. Ouais. Bref, pour dire. Oh là là. Gros dossier. Le truc, c'est que j'ai une théorie. J'ai une théorie. Bref. Ah, ça y est, maintenant. Mais je ne peux pas la dire parce que si là, du coup, j'ai une théorie. Ouais, c'est ça, si je dis ma théorie, je sais pas, donc je vais pas la dire. En fait, moi, c'est ce coup de téléphone, je trouve mystérieux, et le fait de voir, comme tu as dit tout à l'heure, Pauline, Sylvie, qui force pour ouvrir l'ascenseur. J'ai trouvé ça surprenant dans le sens où je me suis dit, putain, la vache, coup de téléphone, comme si c'était prémonitoire, qui est au bout du fil, il aurait pu décrocher, en fait, il l'a pas décroché, en plus, ça a l'air d'être pendant une alerte, hein, parce que quand il arrive dans le futur, ça a l'air d'être en. tout le monde a l'air d'être en PLS, etc. Et un coup de téléphone qui sort devant lui, il répond pas. Alors par contre, j'ai pas trop compris comment il a transmuté dans le... Parce qu'il cherchait un bâton, là. Mmh. Bon, après, c'est peut-être un truc, ta gueule, c'est magique. Hein. Ouais, c'est ça. Ou quelqu'un arrivait... Il y a des trucs, des fois, les scénaristes pour... Ils trouvent que tu t'entends en loupe. T'as rien vu, c'est magique. Bon, les gars, on fait un scénario Marvel. Bon, faut qu'on arrive à le faire transmuter. On fait ça. Ouais, non, mais ta gueule, c'est magique. Voilà. Oh putain, merci. C'est qui a trouvé le scénario. Vas-y, ta gueule, c'est magique. Les réunions sont incroyables. Mais non, mais bon. En tout cas, honnêtement, j'ai trouvé cet épisode-là appétissant. Dans le sens où il te mettait en appétit, en embouche pour les futurs. C'est pas vous? Oui, moi je te dis, j'avais peur parce que je sais pas si tu te rappelles, le premier épisode de la saison 1 de Loki et du même acabit, c'était génial. Mmh. Et après, plus ça allait, pouf, pouf, pouf. Donc je me suis dit, ça va être pareil. C'est comme Secret Invasion, tu vois. Plus ça allait, pouf, pouf, pouf, pouf. Non, Secret Invasion, c'est égal. Plus long, je trouve. Mais bon, c'est le même rythme tout du long, mais. Bah, non, c'est du She-Hulk. Ah, ouais. Ça c'est trop bien, She-Hulk. J'avais raconté. Voilà. T'es pas obligé de rire, Pauline. Comme une largue. Il paraît qu'elle ne sera même plus dans la série Daredevil. Oui. Allez, au revoir. Donc ce podcast a été sponsorisé. Tu disais que le premier épisode. Oui, non, je disais que c'était pareil, la saison 1, le premier épisode, il était très dynamique, très, très original. Mmh. Je me suis dit ça va être une série de ouf et puis ouais, plus ça avançait et puis le soufflet s'écroulait. Là, saison 2, pour le moment, le deuxième épisode est aussi bon que le premier, je trouve. Donc, oui, mais j'espère que ça va tenir. C'est comme on pensait pour Secret Invasion, tu vois. Est-ce que ça... comme beaucoup de ça commence souvent bien les séries Marvel en fait. Ouais, vous avez vu les autres acteurs, ne dites pas que c'est pas possible que ça descende. Si vous avez vu, vous êtes spoilé. Je suis content qu'on va retrouver Iron Man, c'est génial. Arrête. Ouais. En fait, il blague, c'est Star-Lord. Voilà. Rocket. Ça serait bien, n'empêche. Ça serait bien. On continue dans l'histoire et à la fin de l'épisode à peu près, c'est que en parallèle quand même, on a l'apparition de Sylvie à plusieurs reprises et on voit, alors je ne sais pas pourquoi, d'habitude dans la saison 1 elle cherchait à s'échapper, c'était normal puisqu'elle a été poursuivie par le TVA, mais là en fait elle veut plus se planquer et bon, elle est arrivée sur Terre et dans les années 80 j'ai l'impression, voilà, et elle bosse dans un McDo, ouais. Voilà, merci pour le sponsor. Elle va dans un McDo et il la retrouve ici. Voilà. Donc j'ai trouvé ça plutôt inutile. Oui, puis surtout ça correspond pas au personnage de la saison 1. Non. Et puis je la trouve pas dans la saison 1, elle, je sais pas, elle avait un petit côté séduisant, tu sais, un petit côté Loki quoi. Tu vois, tu dis un peu malicieux. Je trouve pas machin. Justement. Enfin, j'ai pas cru du tout au côté alternatif de Loki justement. Ça marche pas pour moi. Sauf pour le crocodile, le Loki Gator, c'est ça? Oui, ça c'était drôle, c'était drôle ça. Et il était en vente à Disney, hein, le Loki Gator. La pluche. Ouais. J'ai vu, c'est vrai, version féminin, je trouve que Loki marche moins, version féminine, ça marche moins. Oui, l'actrice, ils l'ont mal castée, je trouve. Ça fonctionne pas. Enfin, pour moi, ça fonctionne pas. Après, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui aiment ces personnages, mais... C'est Enchantress dans les comics. Mais le truc, c'est j'arrive pas à voir son utilité, en fait. Vraiment pas. C'est pour le moment, j'arrive pas à savoir où ils veulent aller avec elle. Même dans l'épisode 2, en regardant, on a l'impression que Loki, il est attaché à elle, c'est comme s'il veut faire un duo avec elle, mais il a pas besoin d'elle, il a Mobius, ça suffit largement. Et puis, comme après, c'est son variant, donc en soi. Ouais, mais elle, je veux pas dire qu'il s'attire. Hein. Non, ouais, mais lui, il est... Ouais, je sais pas. Tu sais, il est tout le temps après elle. J'ai l'impression qu'elle est blasée, tu vois, genre, wow, il est là, ok. Après, je trouve que ça suffit largement, le duo Mobius. Puis alors, s'ils font un trio avec Obi, ça va être encore plus drôle, parce que Obi, il est géant, quoi. Il est tellement drôle. C'est lui qui donne une sorte de fraîcheur à ces deux épisodes-là. Dès qu'il apparaît, t'as la patate, putain, il sort une vanne. Il est un peu hors norme dans cette série. Là où dans le TVA, tout le monde est sérieux, lui, il est sérieux, mais avec un grain de folie qui est là, quoi. C'est... Voilà. C'est ce personnage-là, en fait, tu t'imagines, il n'existe pas. Là. C'est difficile de se dire, enfin, je sais pas vous, enfin, je sais pas Olivier, il est pas là. C'est dur. Hein, ouais, c'est dur. Parce que tu te dis. mais, en tout cas, s'il est pas là, c'est un peu bizarre. Bon, acteur connu, puisqu'il a joué dans Indiana Jones. Il a joué aussi dans. Ouais, dans un autre. Les Goonies. Les Goonies, merci. Il a joué aussi. Il a été oscarisé aussi l'année dernière. Hein. Ah, oui. C'est une honte, il est même pas dans Indiana Jones 5. Il a eu un Oscar pour un second rôle, je crois, dans un film. Ah, il a été oscarisé l'année dernière. Ouais. Ah oui, il avait fait un super speech et tout, hyper émouvant. C'était, ouais, c'était incroyable. C'est un bon acteur. Après, il est plutôt connu. Je sais pas s'il a joué dans d'autres films que dans Indiana Jones et les Goonies. Du moins connu, je dirais. On va regarder dans le lien que je t'ai envoyé. Connu. J'allais regarder aussi. Ouais. Il a un peu cliqué. Clique sur le lien qu'il a envoyé. Non. Très facile. Merci. Ça va aller. Moi, je reclique. Attends, t'as du mal à y croire. Hein. KiwiCon. Ouais, alors, qu'est-ce qu'il a fait ? Cinéma, il a fait Le Temple Maudit, Indiana Jones en premier, Les Goonies l'année d'après, Passenger. Ouais. Je connais pas. En 87, en 91, Breathing Fire. En 91, donc. 92, California Man. 2002, Second Time Around. 2021, Oana au trésor caché. 2022, Everything. Ah oui, pareil, c'est le trésor. Everything Everywhere All at Once. Ouais. Et The Electric State, c'est tout. Après, il a fait pas mal de télévision. Oh, pas mal. Bon, écoute, pas tant que ça. Il a fait quand même pas mal de trucs, quoi. Bah, tu vois, la télévision. Ouais, il a fait Les Contes de la Crypte en 91. Et puis, il a fait depuis de la télé. Il n'a rien fait depuis en télé. C'est Loki, le dernier truc. Ah, je vois même qu'il a été dans le making-of d'Ian Jones. Voilà, merci. C'est marqué. C'est marqué making-of d'Ian Jones. Voilà. Mais... Non, bah, c'est bien. Et il était oscarisé pour quel film, du coup? Everything Everywhere. Oui, voilà. Mais c'est un super film, en plus. Ah oui, mais c'est sorti l'année dernière, ce truc-là, non? Ouais, ouais. C'est pas sorti l'année dernière. Ouais, non, mais moi j'avais entendu que ce film-là il était visuellement beau, mais que le scénario il était un peu claqué. Ah bah, ça a l'air complètement déjanté, hein, un peu dans l'esprit de Loki. Ouais, hein. Bon. En tout cas, on a. Ah oui, c'est Oscar. Ouais. C'est pour ce film-là, du coup? Ouais, mais du coup, il dit Best Supporting Actor. Je sais pas, c'est quoi, c'est genre secondaire? Best Supporting Actor. Je pense le meilleur acteur supporté. Ouais, je pense que... Non, mais c'est ça. Je pense que c'est acteur. Ouais, c'est second rôle. Ouais, second rôle. Oui, je pense que c'est acteur, second rôle. Ah bah là, on pourrait quasi penser que si, hein, parce que là, quand même... Parce qu'en fait, ça s'appelle Loki, mais honnêtement, c'est pas obligé de s'appeler Loki, finalement. La série. Ça peut s'appeler Obi. Non, TVA. C'est comme Ahsoka. Hein. Ça s'appelle Ahsoka, on se demande pourquoi. Hein. Non, mais sérieusement, t'es pas obligé d'appeler ça Loki, hein. Tu peux appeler ça TVA. Ça change rien, enfin... Loki, est-ce qu'il y a Loki? Oui, ça s'éclaire, ça vend moins. Je veux dire, c'est un peu pareil pour tout, là, si tu raisonnes comme ça. Oui, mais bon, après, je trouve que ça pouvait s'appeler. Indiana Jones aurait pu s'appeler 2001. 2001 et le temple maudit. Voilà. Ça fait pas mal. Incroyable. Incroyable, on va refaire le speech. Voilà. Bon, cet épisode est terminé. Est-ce qu'il vous avait donné envie d'aller voir l'épisode 2 au moins? Bien sûr. Carrément. Ouais, enfin, t'as pas... J'avais peur quand même, parce que je me suis dit ouais, et j'étais très très agréablement surpris du deuxième épisode, parce que à la limite je l'ai préféré au premier. Ça... Le jeu des acteurs, la complicité entre eux, c'est topissime, la scène de torture. On va pas spoiler plus que ça pour ceux qui n'ont pas encore vu, mais. Mais si, il faut spoiler. Une scène d'interrogatoire avec Loki qui est vraiment génial, quoi. Ah, même avant, je trouve que la course-poursuite est tellement drôle. Je sais pas, parce qu'en fait, tout à l'heure, Loki est attachant, machin, il a l'air gentil. Mais en fait, alors soit que c'est le X5, voilà. X5 a disparu avec la générale. Et en fait, en gros, ce que fait la générale, pour vous souvenir, c'est que pour péter, en fait, au lieu d'essayer de réparer les brèches, elle les pète en pétant les mondes, si vous vous souvenez. Et du coup, en fait, il y a Loki et Mobius qui essayent de la choper, de la retrouver, pour qu'ils arrêtent de détruire. Parce que quand ils détruisent une brèche, ça tue des milliards de personnes, à mon souvenir. Je crois que c'est ça. Et en fait, ils veulent tout de suite arrêter pour trouver une autre solution au lieu de tuer des gens, en fait. Donc à chaque fois qu'ils pètent une brèche, ils tuent des milliards de personnes. Et Mobius et Loki, aidés de Sylvie, oui, parce qu'il y a un combat avec Sylvie, donc aidés de Sylvie, vont éviter justement la recherche pour éviter ça. Et ils retrouvent le chasseur X5. X5, donc le gars qui accompagnait General Dog, qui joue un. C'est un acteur, je crois, ou un top modèle. Oui, c'est un acteur. Oui, il est acteur dans cette vie-là. Je ne sais plus où est-ce qu'il est top modèle, là, je ne sais plus. Je crois. Non, il est acteur. Il est acteur. Et quand il se fait trouver par Loki et Mobius, là, il fuit. Et tout à l'heure, tu disais, ouais, je trouve que Loki, il est gentil et tout. Et je trouve que quand il l'a poursuivi, il n'était pas si gentil que ça quand il l'a poursuivi. Parce qu'il n'a pas hésité à servir des pouvoirs, et notamment celui où il manipulait les ombres. Je ne sais pas si tu as vu. Oui. Ça t'a pas d'avis dessus. Moi je trouve que justement si il peut déclencher ses pouvoirs, Loki, il défend sa croûte quoi. Enfin, il est pas pire que Thor quand il se bat contre ses ennemis. Enfin. Non, mais j'ai trouvé une certaine. J'ai pas trouvé cruel quoi. Non, j'ai pas dit cruel. J'ai dit qu'il en a quand même sous la patte, c'est ça. Ah bon, je m'avance pas trop à dire qu'il est gentil parce que tu sais pas trop quoi. C'est Loki quand même, attention. Ouais, oui, Loki, c'est ça. Faut pas oublier qui il est. Hein. Voilà, c'est ça. Quand même. Parce que les pouvoirs, il les a quand même. Hein. Il n'hésite pas à l'utiliser. Voilà, donc moi je trouve ça. Et arrive la scène de l'interrogatoire. Alors, du coup, justement, Olivier, cette scène de l'interrogatoire qui est assez longue hein, quand même, hein. Elle prend une bonne partie du film. Hein. Alors, qu'est-ce que tu as mis dans cette scène? Qu'est-ce que tu as aimé dans cette scène? Tout. Tout. La mise en scène, les effets spéciaux, les jeux des acteurs. Enfin, c'est une scène parfaite, je crois. Il y a du suspense, tu sais pas comment ça va se terminer. Enfin, même si tu te doutes d'un truc. Que les deux sont complices. Mais t'as une certaine angoisse justement sur Loki en se disant attends, si c'est le Loki complètement déjanté, ça peut mal se terminer. Enfin, t'as de la crainte, tu rigoles. Enfin, c'est vraiment une scène super. Surtout quoi. Que dans cette scène-là, il provoque Loki qui est prêt à péter un câble. Hein. Et on voit qu'il se retient, j'adore. Ouais, tu vois qu'il se retient, mais t'imagines si c'était le Loki d'avant? Ah bah oui, il se faisait à Toby. Je pense qu'il les torturait, le gars. Non, mais j'ai trouvé qu'il provoquait Loki à mort. Et je lui dis, Loki va réagir. Tu vois, quand il était gentil, tu sens qu'il se contient, et c'est très drôle. C'est très drôle. Et au final, c'est Mobius qui se contient pas. Oui, tout c'est ça. Non, mais c'est excellent. La personne est excellente. Et d'où le duo magique qu'ils font tous les deux, quoi. Donc, aucun intérêt d'avoir Sylvie dans les parages. Enfin, pour le moment, ça sert à rien. Ouais. Ouais, pour le moment, ça sert à rien. Obi, bien. Ça sert à rien à dire. Voilà. Donc. Et toi, Pauline, t'as bien aimé non, toi, ce passage qui est assez long. Hein, je pense que ça prend une bonne part du film, de l'épisode. Tu as bien aimé quand même, toi, ce passage justement. Qu'est-ce que t'as apprécié dans ce passage-là où il torture entre guillemets, mais ce que j'ai aimé, c'est que en fait, on avait, tu sais, on disait que Loki était différent dans la série que ce qu'il était dans les films. Mmh. Et là, en fait, t'avais l'impression un peu de retrouver de côté vraiment le dieu de la malice qu'il est dans les films, tu vois, et cette partie que je trouve qu'on avait un petit peu perdue, et tu vois, ça montre qu'il est toujours là, quoi, je veux dire, même malgré le fait qu'il s'est apaisé, entre guillemets, qu'il a un peu changé, il est toujours ce qu'il est, quoi, et c'est ça que j'ai apprécié, c'est que ça m'a fait penser un peu à l'ancien qu'il était dans les autres films, quoi. Bah, tu sens qu'il peut vriller, enfin, il peut vriller quand même. Hein. Claire, tu sens qu'il peut vriller dans son côté obscur, on va dire, dans l'attitude qu'il a. Voilà. Bon, après, pour l'instant, il vrille pas, mais vous savez que, enfin, j'ai pas fait de mythologie nordique, mais vous savez que j'ai côtoyé une contact qui est professeur d'université d'histoire nordique. Elle m'a dit que Loki, en fait, de base, dans la mythologie nordique, de base, c'est quelqu'un qui est aimé par tout le monde, hein, par tous les dieux. C'est le meilleur copain de classe, le rigolo, etc. C'est juste plus tard qu'il a vrillé avant le Ragnarok, mais m'expliquer que Loki, tout le monde l'aime. De base, tous les dieux nordiques l'aiment. Tu vois, il n'est pas aussi méchant. Enfin, il devient méchant parce qu'il a fait une bêtise. Mais parce qu'il a tué Baldur. Mais, c'est une grosse bêtise. Bah oui, quand même, oui. Mais Baldur qui a été le dieu préféré de Odin, bref. Pour dire, pas c'est confondre que... avec Baldur et Scully. Baldur et Scully, bravo. T'es facile, alors, t'es facile. Tony, je sais que t'écouteras ce podcast. Olivier était au top. Je vais avoir une promotion. Voilà, donc je suis désolé, Tony. Voilà. Et alors, il y a une autre scène qui était marrante, enfin, qui m'a fait marrer. Bon, j'en avais parlé à Olivier, mais la scène de la tarte au citron. Parce que je sais pas si vous avez vu, mais je crois que c'est dans la saison 1, c'est pareil, c'est dès qu'ils mangent tous les deux, ils réfléchissent. Et à mon souvenir, dans la saison 1, à chaque fois qu'ils mangent, ils réfléchissent en mangeant. Je sais pas si vous vous souvenez, mais à mon souvenir, dans la saison 1, ils mangeaient aussi à chaque fois pour trouver une solution à leurs problèmes. Vous trouvez ça globalement marrant. Et du coup, là, on a cette scène de tarte au citron. Voilà. Que j'ai pu voir, moi, à Disney. Voilà. Mais qu'Olivier n'a pas pu manger. Bah toi, tu l'as vu, tu l'as pas goûté non plus. Hein. Je n'ai pas mangé. Alors, parce qu'en fait, je sais pas si tu as vu sur la photo que j'ai envoyée, elle était toute plate. Enfin, elle était bizarre. Mais voilà. Mais bon, j'avais déjà trop mangé. Donc voilà. Donc au Pim Kitchen, elle y est. Je ne sais pas si elle y est encore. Elle était avant l'épisode 2. Parce que quand je vous ai envoyé la photo, l'épisode 1 venait de sortir. Et maintenant, elle n'y est plus. Bah non, enfin, du moins, elle n'y était pas. Peut-être ça se trouve, on a mangé un truc qui est dans l'épisode 3, on ne sait pas encore. Ça se trouve. Ouais. Des citrouilles avec tête de Mickey. T'imagines. C'est bon. Putain, ils l'ont encore vu. Voilà. Donc cette scène de tarte au citron, où ils mangent une tarte. Du coup, moi, ça m'a donné envie. Hein. Je sais pas vous, mais elle avait l'air bonne. Un peu fluorescente à moitié, mais elle a l'air bonne. Donc c'est là que ça part en fait, où ils ont l'idée de dans leur duo en fait de contenir dans une sorte de boîte. C'est bizarre en fait comme truc. Je sais pas comment on pourrait définir ça. C'est pas une boîte. Qu'est-ce que c'est? Je sais pas. C'est bizarre, une sorte de, ouais. De boîte. Bah, c'est bizarre. Bref, une sorte c'est de c'est boîte. Comme la boule de pétanque dans Ahsoka. Ouais, c'est ça. Je ne pas dire ça. Oui, c'est ça. En tout cas, voilà. Et donc, on a cette boîte, mais bon, ça fonctionne. Mais je trouve ça drôle, en fait. Il faut que j'appuie sur ce bouton-là. Arrête. C'est là que tu commences à. Tu vois bien qui c'est ce que c'est. Donc, du coup. Après, on a toujours cette idée de se dire que c'est un peu fait exprès quand même, hein, parce que on découvre que. Et je sais pas si vous avez vu aussi, alors, non seulement il provoquait Loki, mais il provoquait aussi Mobius. Est-ce que vous vous souvenez? Et Mobius avait l'air de s'en battre les steaks. Et ça marchait pas. Vous vous souvenez attends, ou pas? Non, comme ça me dit rien. Mm-mm. Ça te parle, Pauline? Non. C'est quand il disait tu es sûr que tu veux pas connaître ta vie antérieure parce que ça se trouve ça fait des centaines et centaines d'années que t'es là. Oui. Ah oui. Mais oui. D'accord. Lui il dit qu'il veut pas savoir parce que si c'était une belle vie ben il serait dégoûté quoi. Il préférait que ce soit quelque chose de une vie. Je me suis même dit qu'on aura sûrement une surprise à ce niveau-là. Je sais pas. Ça n'a pas été évoqué par hasard je pense. Ouais, tu crois que... On en saura plus sur son origine, c'est mystérieux d'ailleurs. Parce qu'il se rappelle pas du tout de son passé. Ouais, mais bon. Je pense qu'on... Bah, je sais pas, il y a des trucs quand même qui peuvent lui rappeler son passé quand il dit qu'il est fan de jet ski, par exemple. Il adore les jet skis, mais il veut toujours essayer d'en faire. Il est un peu mystérieux, je pense qu'on... Peut-être pas dans cette saison, mais je pense que on en apprendra beaucoup sur lui, plus tard. Oui, peut-être. Ou peut-être pas aussi, je sais pas. En tout cas, il n'a pas l'air du tout être, comme tu disais, il n'a pas l'air du tout d'être intéressé pour retrouver sa vie d'avant, en fait. Mmh, c'est vrai. Tu vois bien qu'il n'est pas forcément... Ben justement, peut-être qu'inconsciemment, il sait qu'il ne faut pas. Ça se trouve, c'était un tortionnaire. Ouais. Tu crois? Oh, t'imagines, c'était un mec horrible et tout. C'est le futur méchant du MCU. T'imagines le Kang, c'est lui en fait. Kang depuis le début, c'est lui. Ouais, t'imagines. Après, faut vraiment le faire. Hein. Faut vraiment avoir envie de faire un twist, un plot twist comme ça. Voilà. Mais bon, dans tous les cas, après cette scène de torture, en fait, on découvre à quoi elle sert. Elle sert au final à trouver Sylvie et le général Doggs, je crois, ou juste Sylvie, je ne sais plus. Non, les deux. Non, c'est le général Doggs. Et en fait, c'est après, il a une alerte où il. Et rien à voir avec ces divers temps. Merci Olivier. Oui, c'est vrai. Je préfère préciser. Merci, ouais. Oui, oui, c'est vrai. Mais, en, mais pourtant, elles sont blondes toutes les deux. Si j'ai entendu blond. Oui, je crois. Oui. En tout cas, donc X5 a avoué avoir trouvé Sylvie. Et puis, du coup, on a, comment il s'appelle, Loki qui a la banane. Parce qu'il est content. Parce qu'on a retrouvé Sylvie. Et là, bah, c'est là où il découvre qu'elle travaille dans un McDo. Et là, encore une fois, je maintiens, je ne vois pas l'intérêt bah, de la retrouver. Le sponsor, il fait des sous-sous, c'est pour faire des épisodes. Mais à quoi des sous, c'est-à-dire, sois plus précise, Pauline. Bah, sous. McDo et casque, hein, pour. Oui. Quand tu vois les marques, oui, hein, ils ont dû casquer pas mal. Ah oui, quand tu. Ça se trouve, ça a financé toute la série. Tu sais que t'avais la sauce, non, t'avais mais... la sauce Loki, hein, la sauce Loki. à McDo. Non, c'est pas la sauce Loki, c'était la. Non, c'était la sauce blanche là, qu'ils mettent avec les potatoes. La Deluxe Potatoes. Ouais. Voilà, bah ils avaient mis la Deluxe Potatoes, merci, ça doit être ça, ou la sauce Deluxe, j'en sais rien. Et t'avais le mot Loki, attends, je t'ai peut-être trouvé une image. Ils avaient mis le mot Loki. C'est comme quand la tarte au citron. Quand c'était au Canada, je vous assure que quand il y avait les pubs McDo, même avant que la série sorte, du coup, il y avait déjà un extrait de Loki. La scène où en fait il va au McDo et il revoit Sylvie. Il y avait cette scène et dans toutes les pubs qui passaient McDo. Donc ils ont vraiment contribué financièrement. Oui. C'est chaud quoi. Tiens, regarde, je t'envoie la photo. Tu vois ? Imagine si Loki était une série française, elle travaillerait chez Paul. C'est Paul. C'est un sandwich à l'avocat, tout ce qui est vert. Ah oui. Voilà. Avocat, salade. Ah ouais. Voilà. Mais pas en France, la sauce. Hein, pas en de France, la sauce aussi. Si, j'ai vu moi. Enfin, j'ai pas. Ah ouais. Ah ouais. Bah, je l'ai vu, mais est-ce que j'ai vu une photo comment. Tu l'as envoyé où dans la conversation? Ouais. Ils vont pas comprendre les autres. Par contre, j'ai vous tapez sauce McDo Loki, vous regardez, vous avez une image. Ouais. Voilà, donc c'est mais effectivement chez Paul ça ferait bizarre. Ah oui, donc voilà, donc on a quand même retrouvé une Sylvie on va dire apaisée, qui avait un sorte de sentiment du devoir accompli de fait d'avoir tué Kang, mais je maintiens le fait que je n'arrive pas à quoi elle sert. Honnêtement, je sais pas. Je comprends pas cette volonté absolument de la retrouver. J'ai pas compris non plus, non. Mais je pensais que c'est parce que j'avais loupé un truc dans la saison 1, tu vois. Non. J'espère qu'ils ne veulent pas une relation romantique entre les deux, parce que franchement, j'ai trouvé ça tellement plat dans la fin de la dernière fin de la première saison et sur les sur Twitter, quand il y a eu la scène où ils s'embrassent, oh, ça a été tellement critiqué, mais vraiment énormément. Les gens, ils ont trouvé ça inutile, tellement inutile. Et j'espère qu'ils ne veulent pas retourner dans le même sens, en fait, parce que je trouve que ça perdrait de son charme, la série. Je trouve que ça serait plus bof, quoi. En même temps, moi, ce que j'aimerais bien, c'est con. Vas-y, Olivier. Non, je disais, moi, en même temps, demain, on est à la moitié de la série, déjà, la saison. Je pense qu'ils vont pas avoir le temps de développer une idée. Hein, Non. D'ailleurs, j'arrive pas à savoir où elle tourne. Hein. J'ai plus l'impression qu'ils sont dans l'urgence à savoir comment on règle les problèmes du TVA, quoi. J'ai pas cette impression. J'arrive pas à savoir jusqu'où ils vont aller. Tu vois, c'est déjà une critique à donner. Mais autre chose, c'est que j'aimerais bien savoir un truc. J'aimerais bien connaître le passé de Hobby. Tu sais, comment il est arrivé là? Pourquoi il en sait tant sur le TVA? Parce qu'en fait, t'as l'impression qu'il connaît Kang déjà, qui a monté le TVA. Enfin, j'ai vraiment. Ouais. À quel moment on verra cette scène où il y a qui est parti, qui est dans la post générique, tu sais, dans Quantum Mania. À quel moment on va la voir? Parce qu'on est censé la voir. Après, est-ce qu'on verra vraiment Kang? Ça, je sais pas, parce que l'acteur, je crois que voilà, il a des petits problèmes avec la justice. Mais je crois qu'on va le voir normal quand même. Hein. Je crois qu'on va le voir. Il a pas été viré, je crois. Hein. Non, et j'ai regardé un article, je crois, juste avant, je regardais justement. Et je crois qu'ils ont laissé les scènes. Hein. Ils voulaient refaire les scènes? Oui, ils voulaient refaire les scènes. Non, ils ont laissé. Ils ont laissé, finalement, je crois. Ouais. Ils ont laissé, je crois. Après, je n'ai pas suivi son procès, je ne sais pas si c'est... Il n'est pas en procès, en fait, octobre. C'est Jonathan Meyers, attends. En octobre, si, il y a en fait, il aurait eu violence conjugale. Violence conjugale. Au mois de mars dernier. Mais dans ces cas-là, tu regardes Ezra Miller, il a battu des femmes aussi, et ça ne l'a pas empêché de faire The Flash. Oui. Je ne sais pas s'il a été boycotté. Ouais, oui, c'est vrai. Non, il n'a pas été boycotté. Non, c'était un AV. C'était un AV, de toute façon. Donc, t'as bien aimé, j'ai adoré revoir Michael Keaton. Oui, voilà, non, mais d'accord, ok. Ça, j'ai kiffé. On va dire un truc. Voilà, le vrai Batman, mais oui, moi aussi. Mais voilà. Mais du coup, la question se posait pour l'acteur avec ses déboires, parce qu'il a, je crois qu'il a tabassé sa femme. Et du coup, la question se posait de savoir c'est, est-ce qu'il allait continuer le rôle de Kang, quoi, chez Marvel. Ou est-ce qu'il allait ne pas l'être, enfin... Après, tout dépend l'issue du procès aussi, parce que si c'est. Si je ne sais pas s'il y a un procès, je ne sais pas comment dire. Ah, il est si, forcément condamné. Oui, j'ai cru voir. Je sais pas s'il est condamné. Attends, je vais te dire ça. Et j'ai mon chat qui miaule. Hein. Qu'est-ce qu'il y a? Vous l'entendez? Qu'est-ce qu'il y a? On parle de Loki. On l'entend bien. Ouais. Le procès pour violence domestique. Ah, d'accord. Voilà. Violence domestique. Jonathan Meyers. Oui, violence domestique. A été reporté pour la deuxième fois et c'était le 7 septembre 2023. Et par contre, reporté à quand, je ne sais pas. Ouais, tu sais, bon. Ouais, mais bon, voilà, en tout cas, il y a un procès. Il y a un procès qui est prévu. Bon. Et l'épisode se termine quand même, parce que le dernier épisode se termine sur une scène de combat donc, où il retrouve la General Dogs. Avec ses hommes et Est-ce qu'on peut vraiment parler de combat? Non, c'était un peu foireux ça. Complètement. Ouais. Bah tu vois, toi qui parlais de faire des économies sur les effets spéciaux, c'est fait. Ouais, parce qu'on a une pauvre poudre verte, enfin nuage vert là. Oui, c'était. Ils tiennent la main. Aussi... Bon. Enfin honnêtement, c'était pas non plus. C'était pas le gros truc quoi. C'était pas non, le gros. On est habitué à mieux que ça quand même. C'est sûr. On est déjà... Voilà, donc on peut résumer que ces deux épisodes étaient assez alléchants. Est-ce qu'on est d'accord? Ah oui, plus que ça même. Pour le moment. Pour le moment. C'est la meilleure série Marvel. Qui a fait un très bon démarrage. D'accord. Elle a fait un très bon démarrage. Mieux que la saison 1? Je ne sais pas te dire. Il n'y a que Olivier qui peut savoir. Que quoi? Est-ce que ça a fait un meilleur démarrage que la saison 1? Après, la saison 1 a été beaucoup aimée. Moi, j'ai pas eu les mêmes échos que vous. Moi, j'ai cru comprendre que ça n'avait pas si bien marché que ça. De quoi, la saison 1? Ah, si, ça a quand même bien marché. Loki, la saison 2. Ah, ça, je sais pas. Ah, bon. Je ne suis pas renseigné. Non, je ne sais pas. Non, j'ai pas regardé non plus. Mais je crois que si. Je crois qu'en fait, il disait que. Enfin, c'est pas qu'elle a été beaucoup regardée. Je crois qu'elle a. Ils en est parti par rapport à la qualité. On n'est pas sur la quantité de vues. Mais on est plus sur la qualité. Il y a des grosses rumeurs qui disent que c'est la. La fin va nous surprendre parce que ça va être vraiment ce qui va nous annoncer la suite du cinéma du MCU. Bah, ça serait peut-être pas étonnant. Hein. C'est pas. Contrairement à She-Hulk qui a rien apporté. C'est truc, c'est un running gag. C'est un running gag. Ouais. Ça va revenir. Mais She-Hulk, c'est bien. C'est juste qu'en fait, c'est une série qui est incomprise. C'est tout. Le dernier épisode était incompréhensible. Ah non! Ah non, avec le robot! Non, il était trop avec bizarre! Kevin Feige en robot! Mais si, c'est parce qu'en fait, Kevin Feige, il est vu comme un robot chez Marvel, du coup, il se moque un peu un robot. Voilà, comme dans son monde aussi, donc du coup, c'est pour ça. Mais bon, après, c'est une image. Non, moi, j'ai bien aimé. Ouais. Il dit, ah bah tiens, elle sort de sa case de BD pour descendre, machin. Moi, j'ai bien aimé. Non, apparemment, ça a très bien marché, Loki. Oui, ça a bien marché, Loki. D'ailleurs, je crois qu'il y a certains critiques qui disaient que ça leur faisait du bien d'avoir enfin une série de qualité, quoi. Donc, c'est vrai que. Enfin. Moi j'ai bien aimé She-Hulk, mais je vais pas dire que c'était la meilleure série Marvel. C'était quoi toi pour toi la meilleure, la dernière que t'as beaucoup apprécié à regarder? Moi j'ai beaucoup aimé Secret Invasion. Hein. C'est vrai? Ouais, et toi Pauline? C'était quoi les dernières Secret Invasion? Moi c'est la dernière, j'ai bien aimé, c'était Hawkeye. Hein. Oui, Hawkeye, ça commence ça date Hawkeye, mais c'était sympa. Et tu parlais des derniers mois? Non, oui, c'était Hawkeye, j'avais beaucoup aimé Hawkeye. Ça m'a d'ailleurs m'a surpris. Ok, c'était bien, mais c'est pareil, c'était pas exceptionnel, mais c'était plaisant à regarder. Quoi. Oh, quand même, c'était bien. C'était chouette. C'était chouette, avec Kate Bishop et tout, je trouvais que l'actrice qui jouait Kate Bishop jouait super bien. C'est pas ce qu'on a eu, là, Miss Marvel, là, qui était... Ah, ça, c'était... Miss Marvel, j'ai bien aimé le premier épisode. Le premier épisode était génial, mais après, c'était catastrophique. Après, moi, j'ai pas aimé qu'ils aient complètement décroché par rapport aux comics. J'ai pas du tout aimé. C'est pas du tout la même. On avait fait un épisode avec Mika là-dessus. Sur Miss Marvel, mais c'était pas... L'avantage, c'est que comme je connais rien en comics, je suis pas déçu. Oui, c'est ça. Mais ouais. Oui. Ouais. C'est clair. Bah, des fois, t'apprécies mieux que les comics. Hein. C'est pas... Mais voilà. Bon. Si ça vous dérange pas, on fait un petit point actu. Donc, on peut dire que cette saison est bien partie. Hein, je pense. Hâte de voir l'épisode 3. Mais Olivier, alors, où est-ce que cette série nous emmène, à ton avis ? Elle va nous emmener où ? Dans le TVA, ça, je sais. J'arrive pas à voir l'histoire, moi. Ben non, on comprend pas tout, on comprend pas vraiment où ça nous mène justement, à part, je te dis, le fait que ça a été confirmé, que c'est la fin de la saison nous dévoile ce qui va se passer dans la suite du MCU au cinéma. Et toi, Pauline ? Bonne question. Je pense qu'on va peut-être en savoir un peu plus du coup sur les vies qu'avaient les personnages. Peut-être, et ça peut être intéressant. Maintenant, après, je pense que ça va peut-être être question de sauver la TVA ou pas. Peut-être un truc du genre. Je ne sais pas. C'est une très bonne question. Alors, d'après ce que je vois, l'épisode 3 dure 52 minutes. Comme le 2, normalement. Oui, c'est des épisodes qui sont assez longs, en fait. C'est des épisodes qui sont assez longs, quand même. Hein. Enfin, c'est agréable. C'est et pas on trop en parle, la musique du générique. Allez, moi, j'adore. Ouais. Le thème de Loki, je trouve pas fait attention. Je sais pas. Non, c'est vrai. Moi, j'adorais déjà dans la saison 1 ça. Non, le seul truc qui m'a réveillé, c'était le générique de Secret Invasion qui était fait par l'IA. Voilà. Ah, ça y est. Non, mais là, je te parle de la musique. Oui. J'ai pas fait gaffe. En plus, le pire, c'est que T'as pas fait gaffe ? Non, j'ai pas fait gaffe. Franchement, tu devrais le mettre en intro. Je vais le mettre en intro. Oui, clairement. Ça déchire. J'enlève Avengers. Avengers, exceptionnellement. Je vais mettre Loki. Ah ouais, non, celui de Loki, il est excellent. Ouais, j'adore le thème. Bon, je vais la mettre, promis. Vu que tu m'as pardonné parce que j'ai pas mis ta chanson, je vais mettre celle de Loki sans difficulté. Voilà. Pas celle de Kylie Minogue. Ah, should be so Loki. So Loki. Merci. Oh, putain. Tu vois un peu trop Tony. Hein ouais, c'est vrai, je veux concurrence, le chef, ça va pas. Non, là, c'est Avengers, ça, non pas bon, j'ai... Là, non, c'est ça. Non, c'est Loki, regarde. Le début est bizarre. Hein. On n'entend pas. Non, j'entends pas. Vous n'entendez pas ? Non. Ah, mince. Non, j'entends pas. Oh. Ah, si, c'est bon. Ça fait un petit côté, c'est bon. Ça fait un petit côté X-Files. Oui, ouais, c'est vrai. Un petit peu. Mais c'est encore mieux, je trouve, que le thème d'X-Files. On fait un podcast sur X-Files. Ah bah je veux bien, je suis partant aussi. Ouais, c'est... Faut qu'on va sur Lost. Ça. Lost, c'est prévu. Faut qu'on on se calme. X-Files, il y a 12 saisons, donc c'est un peu long. Ouais. Ouais. Du coup, j'ai... Donc c'est on va dire une série agréable à regarder. Je l'ai trouvée de qualité par rapport au daube qu'on a eu avant. Du style Secret Invasion, hein. Et puis. Ou She-Hulk. She-Hulk. Moi, je comprends pourquoi les gens l'aiment pas forcément. C'est un peu décalé, c'est normal. She-Hulk peu... avec des effets spéciaux incroyables. Oui. La seule femme qui porte un homme à bout de bras. Un scénario recherché. C'est recherché, très recherché. Voilà. La justice. Voilà. Après, la justice est aveugle, la justice est She-Hulk. C'est tout, mec. C'est tout. Je voulais juste passer un point sur l'actualité quand même Marvel, parce que je trouve ça intéressant. Il y a 2-3 choses qui sont sorties. On sait que ça va pas. On a déjà parlé un milliard de fois avec Pauline et Olivier. Avec Tony aussi, on avait parlé au dernier épisode. Et avec Mika. On avait vu que Marvel... on avait vu que comment Bob Iger avait dit qu'il allait donner moins de sous-sous à Marvel Studios comme à Star Wars, parce qu'il en avait marre de la quantité, mais qu'il voulait maintenant de la qualité. Comme chez voilà. Hulk. Bon, je pense qu'il s'est trompé, à mon avis. Il comptait pas chez Hulk dedans. Ah bon? Il va me détester, Benji. Benji au bout, c'est là. La dernière fois que vous m'entendez dans Non mais après, moi je comprends les gens qui ont pas aimé. Il y a pas de difficulté, ça me dérange. Pourtant, moi j'aime bien les petites des séries comme ça. Je suis un fan absolu de l'actrice, hein, donc tu vois. Oui, je sais parce que tous les deux on regardait la série Orphan Black. Voilà. Donc voilà. Non, mais après, moi je comprends tout à fait qu'on ne puisse pas aimer. Après, moi j'aime bien les sitcoms comme ça, les comédies sitcoms, ça faisait un peu penser à ça, donc. Donc, voilà. Mais ça avait déjà été fait dans VandaVision, hein, mille fois mieux. Oui, non, bah oui, mais bon, c'est j'ai bien aimé. Ce n'est même pas comparable. Non. Bah, si, ça fait un peu sitcom quand même, VandaVision. Mais bon, c'est pas les mêmes persos, c'est pas le même univers, c'est pas. Voilà. Bref. Et en fait, j'ai regardé un petit peu et on découvre en fait qu'on le savait déjà, qu'ils avaient repoussé un nombre incalculable de films et de séries. Voilà. Savez-vous, c'est quoi le prochain qui passe? La prochaine série Marvel. C'est la fille dont on s'en moque totalement là. Celle qui était dans Hawkeye justement. Non, ils l'ont repoussée. Elle est repoussée. Pourtant, elle est tournée, je crois, c'est bizarre. Oui, elle est repoussée, mais elle est repoussée. Ben, il y a Daredevil qui vont en refaire. Alors peut-être c'est pas un film, c'est pas une série. Ah, c'est une série. Tu demandes une série ou un film? Non, série ou film, enfin sur Disney Plus, sans envie. Sur Disney Plus, pardon. Ah, sur Disney Plus. C'est pas une série traditionnelle avec des acteurs. Ah, c'est What If, saison 2. Ouais, c'est What If, ouais. C'est What If, saison 2. Ils ont repoussé Echo. Ouais, je voulais revenir sur le fait des. Tu parlais de la qualité des séries, là, ils ont. Suite au reboot de Daredevil, ils vont plus faire comme ils faisaient actuellement. Ils ont décidé de faire des pilotes. Comme à l'ancienne. Ah ouais. Si ça plaît, on continue. Si ça plaît pas, ils arrêtent. Au lieu de dépenser des millions dans une saison complète. Alors, pour information, tout le monde sait que Daredevil Born Again était déjà tourné, à mon souvenir, ou en cours. Et, c'est et en fait, ils ont terminé. Et du coup, ils ont dit hop, ils ont pris un crayon, tout rayé, on recommence tout à zéro. Parce qu'a priori, ça ne ressemblait pas du tout à la série Netflix. C'était un truc un peu plus déconnant, etc. Donc ça n'a pas plu du tout. Ils ont dit on arrête tout, on refait dans l'ambiance un peu plus dark de la série Netflix. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Et en fait, pour les prochaines séries Marvel, ils ont décidé de faire des pilotes et ne plus faire des stand-alone. C'est-à-dire que si une série marche, il y aura plusieurs saisons. D'accord. Mais qu'est-ce que ça va être pilote ? C'est qu'ils en font, ils font qu'un épisode, si ça plaît. Ils arrêtent la diffusion sur Disney. Bah en fait, toutes les séries télé, jusqu'à avant que les boîtes de streaming arrivent, ils faisaient un épisode pilote. Alors, il y avait deux solutions. C'était où c'était vu par des professionnels, par des producteurs et qui donnaient le go pour la suite. Ou normalement, un épisode pilote est carrément diffusé à la télévision ou là sur la plateforme. Et si ça fait de l'audience et qu'il y a des bonnes retombées, ils commandent la suite. Je ne savais pas. Et c'était comme ça avant toutes les séries dans les années 80, 90, début 2000. C'était une technique. Ils n'ont pas fait ça avec Code Quantum ? Ouais, sûrement, je te dis, toutes les séries, c'était comme ça. Ça me dit quelque chose, ce genre de situation. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que s'ils ont décidé de tout recommencer à zéro, c'est que pour eux, ça allait être un fiasco. Donc déjà, il y a de l'autocritique. Déjà. Oui, il y a de l'autocritique, et puis je pense qu'ils sont pas... Franchement, quand ils voient la plupart des séries Marvel, Secret Invasion même, je reconnais, elle a énormément de défauts, elle a des côtés ridicules, etc. Plus sur la fin, pour te soutenir. Plus sur la fin. Chez Hulk, ça n'a pas plu du tout. Miss Marvel, ça n'a pas plu du tout non plus. Non, il faut remonter, je te dis, à Hawkeye qui a plutôt plu. Bah, tu vois, bizarrement, les gens, quand je questionne, moi, les copains qui sont fans de Marvel, quand je dis à quelle série qu'ils ont préférée, devine laquelle me disent... Hawkeye revient souvent, oui. Alors, pas Hawkeye. C'est pas Hawkeye qui revient souvent. C'est pas ça du tout, en fait. C'est le Faucon et le Soldat de l'Hiver. Ah non, pourtant, je me suis fait chier. Oui, non, mais d'accord, mais moi aussi. Mais c'est celle-là qui revient. WandaVision, c'est quasi tous. Oh, Benji, on a regardé les deux premiers, mais après, on a lâché parce que voilà. Et par contre, tous vont me dire Oh le Faucon et le Soldat de l'Hiver, c'était bien. Ah, ça déboîtait, machin et tout. Il n'y a que le premier épisode qui déboîte après. Oui, mais. Mais en fait, je sais pas, c'est. Peut-être que c'est parce que c'était un peu badass ou je sais pas. Mais les gens. Et Hawkeye, il y a qu'à apprécier aussi qu'il revient. mais la plupart me disent surtout. Ben voilà, par exemple, ce qu'ils font, c'est si tu vois, OK, ça a plu, ça a marché, ben ils font une saison 2 au lieu de partir sur une autre série. Ils vont. Mais dans ce cas-là, ouais. C'est-à-dire que tu disais que quand ça a bien marché, il faut continuer comme ça. C'est-à-dire que la série Netflix, Pauline, tu l'as vu la série Netflix Daredevil? Non, toujours pas. Elle est excellente. Hein, c'est vrai, Olivier. Ah bah, c'est la meilleure série Marvel. Ouais, c'est la meilleure. C'est bientôt les vacances, je vais avoir le temps. Bah, vas-y, bah, regarde-le franchement. Et tu vas tout, et je te connais, tu vas tout regarder d'une traite. Elle est excellente. Et quand tu dis tout à l'heure, ouais, ils ont tourné ça de façon comique. Déjà, Daredevil, il n'est pas drôle. Dans les comics, il ne l'est pas. Et loin de là, il n'est pas drôle. Il est solitaire. Il est assez badass d'ailleurs. Et puis lui, il ne compte pas les points qu'il donne. Hein. Il tient ça de son père. Et surtout, que tu te dis. T'imagines un Daredevil rigolo, c'est illusoire après la bonne série qu'on a sur Netflix. C'est impossible. Bah franchement, il t'a plu le Daredevil dans She-Hulk? Ah non, non, mais parce que c'est pas le Daredevil qu'on connaît. Mais non, il bah ouais, mais ça va être un truc dans ce genre-là. C'est un béni, oui. Ouais, voilà, c'est ça. De toute façon, c'est un avocat. mais tu vois, c'est quand tu dis ils avaient en fait un drôle, c'est vrai que dans la série, il passe pour un rigolo. Mais ça correspondait pas, tu voyais, quand tu avais regardé la série Netflix, tu voyais bien que c'était pas son caractère. Il est un peu sombre, etc. Là, il était, il déconnait. Et je crois qu'à la base, sans vouloir m'avancer, la nouvelle série Disney+, je crois que ça commençait. Ils avaient prévu de commencer par la mort de Karen Page et de Foggy. Oui. Et d'un genre d'un Daredevil dépressif, un peu rigolo. Enfin, c'était bizarre. Et il porte son costume qu'à partir du quatrième épisode. D'accord, ouais, tu vois. Bah, tu te dis, et tu te dis, c'est pas possible. Bah, heureusement que. Bah, tu vois, Bob Iger, quand il dit, je vais vous couper l'argent, vous ferez de la qualité. Bah, faites de la qualité, c'est très bien. Bah, Ray, là, ils ont tout recommencé à zéro le scénar. Apparemment, ils ont recommencé tout à zéro le scénar. Voilà. Ouais, donc, bah, écoute, apparemment, j'espère que c'est pour ce qui est dit est vrai. C'est parce qu'ils se sont rendus compte que. Ça collait pas au canon de Netflix. Oui, mais faut que ça y colle, parce que sinon, voilà, sinon c'est pas logique. C'est, bah, sauf si t'expliques que c'est dans un autre. Ils sont en train de se réveiller a priori. Ouais. Bon. Et par contre, comme tu dis, la série Echo, alors là, c'est dans le même univers que Daredevil. Tout le monde s'en tape. Tout le monde s'en tape. Tout le monde s'en tape le coquillard. Je veux dire, tu la vois dans la série Hawkeye, donc c'est Maya Lopez qui s'appelle en fait Echo. Elle est pas, c'est une combattante, mais elle est, enfin. Après, si c'est bien écrit et tout, ça peut être bien. Si t'as un bon scénar et que c'est bien réalisé, ça peut être sympa. Mais en fait, on n'a pas envie de le voir comme ça, quoi, déjà. Honnêtement, cette série-là, non seulement je l'attends pas, toi non plus, je pense. Et puis, tu vois, j'attendrai la retomber avant de la regarder, même, tu vois. Et surtout qu'en fait, j'ai pas compris, ils diffusent tout d'un coup. Bah, c'est-à-dire qu'on aura tous les épisodes d'un coup. Ça veut dire que c'est de la merde. Ah bon? Tu sais, quand ils balancent tout d'un coup, c'est pour. C'est comme Expandable 4 là, qui est sorti, là, qui paraît qui est catastrophique. Il sort direct en streaming, ça y est, ils arrêtent. Ça diffuse au cinéma. Ouais. Peut-être sur Amazon Prime, ça, c'est sûr. Je sais pas. Et enfin, en même temps, il faut arrêter au bout d'un moment. Ce genre de film. Donc Echo qui va sortir, et il y a prévu aussi donc une série qu'attend beaucoup Pauline, c'est Agatha. Oui. Voilà. Mais Agatha. Elle n'avait pas été décalée. Si, elle a été décalée, donc c'est pour ceux qui savent pas, elle a changé tellement de fois de titre cette série. Elle s'est appelée, attends, elle était avant House of Darkness et après Coven of Chaos, et maintenant c'est Darkhold Diaries. Ah, ça a changé? Ouais, ça change trois fois de nom. Ouais. Ah oui, non, mais. Je savais pas. Voilà. Donc, à la base, elle était prévue pour Halloween de cette année. Hein. Et ils l'ont prévue pour Halloween l'année prochaine. Bah, ils n'ont pas commencé, non, en fait, le tournage. Je crois pas. Attends. Hein. Non, si. Ah bon? Attends. Prévue pour Halloween là, normalement. Bah, si tu veux pour Halloween là, c'est que c'est déjà tourné. À la base, hein. Mais après, ils ont reporté. Je pense que l'avenir des séries Marvel est totalement incertain. Faut là, avec la, si, d'après ce qu'a dit Bob Iger, puis là, il recule tout. Hein. Hercule, les Captain America. C'est pour, et... ça que, c'est pour ça qu'en fait, le fait de faire un pilote, tu finances qu'un épisode, si ça marche pas, que ça fait un flop, bah, ça t'évite de débloquer 300 millions pour faire une saison entière. Ouais, non. Bah, t'imagines, tu vois, t'as bien aimé le pilote et en fait, il a pas été compris par les gens. Oui, bah tu oui. Bah, c'est pareil, t'as une première saison 1 qui te plaît et puis ça n'a pas été compris, t'as pas de saison 2. Alors, je suis sur la... Alors, je ne sais pas si c'est source sûre, c'est le Wikipédia. Donc, voilà, donc à prendre avec des pincettes. Le tournage a commencé le 17 janvier 2023. Voilà. Ouais, après, avec la grève, je sais pas. Ouais, c'est ça. Avec la... Ah, ils disent qu'il y avait la grève... non, ils disent que la grève n'a pas impacté la production. La Marvel Studios déclarant que les reshoots étaient déjà programmés et qu'ils pourraient faire toutes les réécritures si c'est à ce moment-là. Le tournage s'est achevé le 28 mai, donc avant la grève. Donc le tournage est terminé. Donc ils vont donc ça va pouvoir sortir à temps au final. Mais là, ça va parler de quoi, ça on sait pas par contre. On sait que c'est une série spin-off sur WandaVision, mais on sait pas de quoi ça va parler. En tout cas. Bon, on a perdu Olivier, je crois. On a perdu Olivier. Regardez. On voit pas. C'est pas grave. Ouais, on a perdu Olivier. Voilà pour ce qu'ils ont prévu pour le moment pour l'année 2024. Donc on n'est pas. On n'aura pas beaucoup de Marvel, Pauline. Non, ça va pas être foufou. Hein. Ça va pas être foufou. Hein. Et puis ça vend pas du rêve. Non plus. Ouais, c'est clair. Parce que quand tu regardes Loki saison 2. Ouais, What If saison 2. Ça, c'est bien. J'ai bien aimé, moi, ça, What If. Et ensuite, on a Echo. Mais Echo. Tu vas regarder, toi, Echo ou pas? Rien que le nom. Ça me donne pas. Ouais, non, mais... Après... Agatha, par contre, toi, tu l'attends. Avec impatience. Oui. Ça, je pense que ça va être l'une de celles qui va peut-être le mieux marcher. Enfin, j'espère. Tu crois que ça va parler de quoi, Agatha? Je sais pas, c'est compliqué, parce que je sais pas vraiment s'ils vont faire ça, un ça lien quand même avec... Ça fois de ah ouais, oui, est-ce que ça va être un lien avec, WandaVision? Est-ce que ça va être un lien avec Doctor Strange? Ou pas du tout? Est-ce que ça va être un truc complètement à l'arrache sur elle, quoi? Juste sur elle et peut-être sa vie d'avant ou... Bonne question. En fait, quand tu regardes Agatha, t'es plus doux en anglais que moi, non? T'es aussi bien en anglais que moi. Mm-hmm. J'ai fait une fac d'anglais, d'ailleurs. Attends, je vais parler T'as fait une fac d'anglais? Ah bah alors, House of Harkness, ça veut dire quoi? Maison ouais, de quoi? Ouais, la maison de comment dire, de dark, c'est sombre, darkness, c'est l'obscurité, si tu veux. D'accord, la maison d'obscurité, ok. Ensuite, c'est Coven of Chaos. Bon, ça, c'est pas le couvent du chaos. Donc, tu vois, on a cette idée où, à la limite, tu suis une communauté de sorcières. Ouais, c'est ça. Et après, donc, le nom définitif, alors ça, c'est du moins le dernier nom de Agatha... C'est Darkhold Diaries, donc c'est le Diaries, c'est le journalier, du, je pense. Du Darkhold, ouais. Le Darkhold, tu vois. Donc, c'est un trou noir, hein, Darkhold. Ouais. Oui, après, le Darkhold, c'est aussi le bouquin. Mais, voilà, c'est Doctor Strange. Mais voilà, c'est un peu bizarre, on n'arrive pas à tabler l'histoire de ça. En tout cas, c'était prévu pour Halloween. Ils ne savaient pas trop vers où aller. Peut-être qu'ils ne savaient pas trop vers où aller non plus. Aussi. Ensuite, il y a une autre série qui est prévue, Olivier, c'est Ironheart. Ça, on le savait déjà. Mm-hmm. On sait, bah, alors là, par contre, ça, moi, je ne suis pas emballé du tout. En fait, il y a pas mal de séries que je ne suis pas emballé. Echo, What If, limite, je suis plus emballé pour What If qu'Echo. Tu n'avais pas dit que Ironheart devait être annulé? Non, elle a été repoussée à très loin. Ah, ouais, mais non. Pour repousser à très loin, c'est un stand-by, je pense. Ouais, c'est ça. Mais non, mais je crois, non, ça n'avait pas déjà tourné. Je ne sais même plus. Bon, en tout cas, déjà, la Riri Williams m'avait pas non plus emballé dans Black Panther 2. Alors là, en série, je trouve que... Pas fou. Ouais, ça... Surtout qu'elle a plus l'armure qu'elle a conçue, donc je sais pas comment on va faire. Voilà. Et après, c'est Daredevil et Marvel Zombies qui sont prévus. Bref, on a quand même... Honnêtement, là, les séries qui arrivent, ça emballe pas du tout. C'est un peu un parallèle quand tu fais avec Star Wars. Ah, Olivier. Ouais, c'est vrai. C'est une sorte de, je sais pas, c'est une sorte, je sais pas si on peut dire de pause ou t'es pas emballé quoi. Alors déjà t'as des séries qui sont censées t'emballer, qui sont bonnes, pas bonnes même, mais voilà, on va voir ce que ça va donner. Bon, après peut-être qu'ils misent tout sur les films maintenant. Hein. C'est aussi peut-être que vous les Bob Iger, vous avez moins d'argent pour qu'ils fassent des films de qualité. Et se rendre compte que les films marchent de toute façon mieux que les séries. Ah bah oui, bah oui. Tu vas voir, je te parie que le prochain Captain America, il va cartonner. Hein. Le prochain Captain America, il va cartonner. C'est pas possible. Je suis persuadé. Bah, je sais pas, moi j'ai lu des articles en fait. Le nouveau Captain, en fait, il est pas très apprécié de la fanbase en fait. Pas là fanbase. Oh, moi j'aime bien. Bon, après, c'est pas dans les. Moi j'aime bien, mais apparemment, c'est pas un personnage très populaire. Ah, c'est pas Steve Rogers quoi, bah, c'est sûr. Mais voilà, mais après, faut dire qu'on est dans une autre phase. Juste pour t'informer, c'est que tu vois, regarde, la rumeur courait, on en a parlé en off, qu'après Secret Wars. Ça allait changer en fait, ils vont passer à un autre MCU entre guillemets, et tout le monde disait ouais, moi je suis déçu, j'ai pas envie que ça change, mais t'as pas le choix parce que en fait quand tu lis le comic Secret Wars, ça va changer obligatoirement. Donc tu vois, c'est la fanbase, faut qu'elle se dise aussi attention, il y a quand même une base de MCU. Oui, mais il y a un gros problème, c'est que cette phase du MCU, les gens ne l'aiment pas. Donc, Oui, aussi. Bon, en tout cas là. Ce qui va arriver là, Loki, ça termine bien. Enfin, il n'y a que 6 épisodes, donc ça va être très court. Mais il y a Marvels, The Marvels, qui sort le 8 novembre 2023 au cinéma. Donc là, je compte sur vous parce qu'on va faire un épisode dessus. Mais, Ah, on va être obligé d'aller le voir. Voilà, je compte sur toi. Je propose même, c'est au toi secours. Qui paye les places de toute l'équipe. En 4DX, comme ça, en 30, balles, en 30 balles la place. Ah non, c'est Mika, hein, 4DX. C'est Mika. Mika, c'est le seul qui va voir, je sais plus quoi, en 4DX où il pleut là. Non, c'était Black Widow qui a été voir en 4DX. Voilà, donc le 8 novembre, là, en tout cas, c'est le prochain film, c'est The Marvels. Voilà, bon, on va voir ce que ça va donner, mais ça vend pas forcément du rêve. Hein. En plus, je crois que le film dure qu'une heure et quart, une heure et demie, je crois, sans le générique. C'est ridicule. Ça, je sais pas. Et en plus, il inquiète parce qu'en fait, je crois que c'est la je sais plus si c'est la productrice ou la réalisatrice qui a dit oh, vous allez voir, il est marrant. Oh non. Ok, bah pourquoi t'as dit ça, t'as cassé. C'est très drôle, c'est l'humour à la She-Hulk. Oui, mais au moins She-Hulk, c'était marrant. Bah c'était le ton de la série, c'était. Oui. Mais après ça faisait sitcom, il faut aimer les sitcoms, donc c'était pas. Voilà, il manquait plus que les rires, c'est. Ouais, c'est ça. Ouais, les faux rires. Il faut rire derrière, ça aurait été drôle. Mais tu vois, rien de. Bon, moi, ça m'inquiète un peu, quoi. Quand une réalisatrice, vous allez voir, c'est marrant, machin. Tu vois, putain, Captain Marvel, elle n'est pas censée être marrante. Après, peut-être que c'est plutôt Miss Marvel qui va donner un peu de touche, c'est un petit touche d'humour. Mais l'idée de base, je crois qu'ils ont, c'est à chaque fois qu'il y en a une qui utilise son pouvoir, bah, son corps et son esprit se traversent. Enfin, l'esprit part chez une autre Marvel. Donc, c'est un peu bizarre. Je ne sais pas comment ils vont faire les connexions entre elles. Tu vois, c'est vraiment. C'est un mystère. Ouais. Ce sera l'occasion de revoir ton copain. Mon copain. À qui? Samuel L. Jackson. Ah oui, bah oui, non, mais c'est le seul truc qui me vote, quoi. Ça se trouve, tu le verras 5 minutes sur une. Ah, mais c'est ça, mais tu le vois dans la bande annonce. C'est ça, c'est ouais, mon avis, tu vois. Tu vois 2 minutes. Ouais. Ouais, c'est ça. Voilà. Bon, et ben voilà. Loki, on a fait un bilan. Je voulais absolument faire un bilan actualité parce que The Marvel, ça allait arriver. L'année commence à se terminer et puis les séries, c'est un peu comme Star Wars qu'on en avait parlé avec Tony, ça commence à on arrive au bout de certaines séries, de plusieurs séries d'ailleurs. On n'arrive pas à avoir de visu sur le long terme, sur le court terme c'est un peu difficile, le moyen terme encore plus. Alors sur le long terme, moi j'ai plus l'impression que les séries, il y en aura beaucoup moins, genre une à deux par an et puis le reste ça sera que des films. On verra. Voilà. Merci Pauline. Mais de rien, merci à toi. C'est gentil. Voilà, on se retrouvera, je pense, peut-être à la fin de Loki. On va voir. On va peut-être attendre Loki passer, parce qu'en fait, il ne reste plus qu'un mois, donc ça va vite passer. Ouais. Et j'aimerais bien qu'on fasse aussi avant la fin de Loki, parce que c'est le 8. Loki, ça finit quand? J'ai même pas fait gaffe. Mi-novembre, je suppose. Alors, attends. Là, on est le 19, donc la semaine prochaine, le 26, ça fera épisode 4. Au 27, épisode 4. Le 3 épisode 5, donc du coup, la semaine du 6, le dernier. Du 6, là où arrive The Marvels, en fait. Ah, ok. Donc, je croyais que tu allais dire un nom d'acteur qui était sur la liste. Pardon, là où arrive Iron Man, voilà. D'ailleurs, c'est Tom Cruise qui joue, c'est marqué. Non, du coup, oui, bien sûr. Voyons la liste, voilà. Donc, on va peut-être faire ça à la fin, on va voir. C'est peut-être mieux d'ailleurs, faire un bilan sur la série complète, parce qu'en fait, il n'y a que 6 épisodes, je trouve ça très court, 6 épisodes, c'est pas très long, voilà. Ça fait même peur, quand tu vois 6 épisodes. Donc, oui, voilà. Mais regarde, Secret Invasion, c'était plus long, mais c'était plus court les épisodes. Enfin, attends, la série était plus longue, mais les épisodes étaient plus courts sur. Ouais, ils étaient, enfin, ils étaient pas réguliers. Non, ils étaient pas réguliers, je crois. Ça, ils étaient pas. Enfin, bref. Ouais, t'en avais de 40, de 30, enfin, on verra. Ouais, en tout cas, je pense qu'on fera ça à la fin et puis après The Marvels. Voilà. Merci Pauline. Alors, toujours sur Chic Choc ? Oui, toujours sur Chic Choc. On doit prévoir un week-end à Disney. Yes. Et la prochaine. Attends, la prochaine soirée Disneyland Paris, t'as vu ? Oui, on était en train d'en parler avant avec Olivier. On se demandait ce que ça allait être. Mmh. Ouais. Je pense pas que ce soit une soirée Noël. On sera demain. On sera demain ? Ouais, oui. Ils le disent demain. Ok, alors attends. Il y a des trucs Marvel, il y a plein de trucs. Célébration des 100 ans. J'espère qu'il y a She-Hulk quand même. Ce serait pas mal. Marvel et Star Wars. Bah, la soirée Marvel, je crois que c'est la pire soirée qui existait. Du coup, ils en ont fait une. C'était à chier. Voilà. Ouais, complètement. On verra ce que c'est. Voilà. C'est demain qu'ils annoncent. Bah, du coup, Pauline, on y va. Moi, j'y vais. Voilà, donc j'espère. Et on a dit qu'on se faisait on ferait en sorte d'être dans le même hôtel aussi, on avait dit. En fonction voilà. De la date. En fonction de la date, tout à fait. Voilà. Voilà, merci Pauline. Donc toujours sur Chic Choc, toujours sur. Tu fonctionnes sur Chic Choc, j'ai cru voir là. Je crois que tu marches bien. Mieux que Instagram, parce que je suis connu sur Instagram, mais mieux que sur Instagram. En tout cas, voilà. Olivier, petit instant promo, toujours sur YouTube. Toujours sur YouTube. Et ça se passe bien. Voilà. Bon, ça va. Hein. Abonnez-vous en masse. Cliquez. Comment vous dites sur YouTube ? Cliquez, partagez, aimez. Non, c'est comment on dit ? C'est aimer ? Non, c'est quoi ? Souscrivez un abonnement. C'est non, mais c'est vrai. Non, alors Olivier, c'est pas le style, parce que lui, il fait ça pour le plaisir. Oui, tout à fait. Donc, du coup, c'est pas le style. Enfin, s'il fait ça, c'est qu'il a changé. Enfin, c'est pas l'Olivier que je connais. Olivier, il fait toujours. C'est moi, j'ai vu les dessous. Hein. Quand Olivier filme avec Laurent, c'est vraiment des passionnés. Non, les coulisses. Les coulisses, c'est. Ça rappellera de la lumière. C'est des passionnés. C'est des passionnés. Voilà, c'est des passionnés. Moi, je les suis, moi, je regarde de loin. En tout cas, merci Olivier. Tu es aussi sur le podcast. C'est de là que je sors tout le monde. Non. Donc du coup sur MSA, voilà, du coup vous pouvez retrouver les gens de MSA chez moi aussi. À la base je suis un peu plus voilà. Donc cet épisode là sort parce que vous avez voté en premier. Le prochain, Lorcana, on n'en dirait pas plus Olivier sur Lorcana, puisque on a eu un bel épisode. Ouais. Voilà. Super épisode. Super épisode. Et le prochain, ça va être Loki et puis The Marvels. Voilà. À mon avis, je sais pas, mais Marvels, on va pas aimer. Pauline, tu penses que tu vas aimer, toi, Marvels ? Je ne sais pas. Ouais. Autant ne rien attendre aussi, là, je pense, pour apprécier. C'est ça. Pour pas être déçu. Autant être surprise qu'être déçu. Ouais, c'est ça. Voilà. En tout cas, merci à vous deux. C'était super sympa de vous retrouver. Le podcast sera diffusé très rapidement et puis on se retrouve d'ici un petit moment tous les trois pour ou même avec d'autres, je crois d'ailleurs, pour faire le bilan de Loki et puis faire le bilan de The Marvels. Allez, bye bye.